بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب كما اتفقنا عليه اليوم سنخوض المراجعة الآخرة de ce livre pour le clôturer. طيب donc on s'est arrêté à la dernière chose qu'on avait révisée. Bab Sab al-Dahar. Thuma Bardahu, c'était quoi le bab d'après? Là, tout simplement, c'est le fait de ne pas s'appeler le juge des juges. Naam. Et c'est khas pour ce juge des juges? Non, tous les le roi des rois, ou d'autres, toutes les appellations qui. Comme le Hitler. Naam. Quand bien même cela viendrait avec une autre langue. Thuma Bardahu. Toujours lié à ce sujet. Naam. Wa taghyir al-ism li ajli dhalika. C'est-à-dire de respecter le nom d'Allah et de même changer un nom en cela. Si jamais tu as un nom qui porte offense au nom d'Allah ou qui ne convient pas, il faut le changer le nom. Naam. Thumma. Le fait de ne pas rabaisser le Coran. ذكر الله القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني سي المسألة الاستهزاء بالدين en fait de se moquer d'une chose de la religion ou de rabaisser une chose qui comporte le ذكر d'Allah du Coran ou du Rasul صلى الله عليه وسلم c'est quoi le حكم استهزاء بالدين se moquer de la religion هذا كفر لمن علمنا ذلك من الدين من الدين. C'est du coup pour celui qui sait que cela fait partie de la religion. Il n'y a pas de tafsil. Il n'y a même pas de. Yani, à part pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand tu sais que la personne sait que ce qu'elle dit, c'est fait partie de la religion, mais il y a tajri comme il hujja. El hukm waqi' ala tul. كما حصل وكما حصل في القصة ثم بعده لا متقارب لكن سي با exactement ça non justement لا c'est pas ça c'est pas soi même une cause. Ah, comme tu as dit, en fait, ça se fait même. Non. S'attribuer les bienfaits à soi-même. Renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal قال إنما أوتيته على علم عندي يقول قارون ثم بعده لا لا Celui de Vadi Abdi, Amati, l'autre. Juste, il y a juste Vadi Abdi avec un autre nom. Là, ce n'est pas ça. Ce n'a pas de rapport avec les noms. C'est. Falamma Salihah, Ja'ala lahu shuraka fima atahuma. Ah oui, c'est moi qui étais ailleurs. C'est ça, Naam. Comme le verset ne parlait pas de ça, j'étais dans autre chose, t'as raison. Afin, c'est moi qui étais renfil. Naam, le ta'bid li ghilillah. Et en fait, moi, j'étais sur la qissa de Hawa et de Adam. En fait, en particulier, Je vais te demander cette question que Mahoukmouha. Avec qui est venu, qu'il a dit de l'appeler Abdul Harith. Ça c'est faux. Elle dit que ça Munkara. Non. Afin, j'étais perturbé, j'ai pas suivi. Non. En fait, c'est ce verset descendu sur des gens des Bani Adam. Quelconque qui ont fait du shirk. Taïeb, Fumma. Le fait de dire salam alaykum. Là. هذا بعضه. الله ولله الاسماء الحسنى. نعم. يعني ما جاء في الالحاد في اسماء الله. Le fait de blasphémer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. الالحاد. On avait dit que l'ilhad est de deux catégories. Tafkour. Un ilhad qui n'est pas du kufr. Kal ma'asi wa ghayr dhalika. Wa l'autre. Et l'autre c'est du kufr. Al mail an il haq. Al mail an il haq. Et le fait de nommer Allah par un autre nom que le sien, il y a trop le fidalik. Et le fait de renier le nom d'Allah, ou d'interpréter, de le démentir, cela est de l'ilhad kazalik. Wa qad yasil il al kufr. Thumma ba'da. Ne pas dire salam à Allah. Naam. Limada. C'est un dua. Que Allah n'a pas besoin de faire ça. وكذلك il y a une autre raison. لماذا لا يقال السلام على الله؟ Pourquoi j'ai juste répété la question? لماذا لا يقال السلام على الله؟ Comme tu as dit, parce que c'est une forme de dua. Il y a une autre raison aussi. لا تقول السلام على الله فإن الله السلام فإن الله هو السلام هذا من أسماء الله السلام ومن نود الله وبعد نفجر من فيه اللهم اغفرني إن شئت نعم فدي الله pardon moi si jamais tu veux لماذا parce que ça fait comme si tu disais que si il me pardonne pas c'est pas grave si tu veux في شيء من الاستغناء عن الله نعم comme si tu peux te passer de cela. Et en plus, il faut du jazm, du azm dans les doigts. Wabarda Il faut insulter Riyah. Là. C'est loin ça, le Riyah. C'est loin ça. Ah. Le temps Là. Ah, le temps, c'était avant. Là, on était à Allah Mahfoudi. La yuqal. La yuqal. Ah oui. La yuqal abdi wa amati. Naam, la yuqal abdi wa amati. Mon serviteur. Parce que justement, ça ressemble au nom qu'Allah ici. Il donne à ses serviteurs, ça peut ressembler aussi. Ça ressemble à la façon dont Allah s'exprime envers ses créatures, du moins vers ses serviteurs. Ya ibadi, ya abdi, ya amati. On dit quoi à la place? Ya Roulami, en fait, Naam. Sainte. Barda. La Yurad. Ou la Yarud. La Yurad. Ne pas rejeter celui qui te demande pour Allah. Au nom d'Allah. Qui te demande par Allah, Naam. Et on avait dit quoi le fait de demander par Allah, c'était quoi que s'il demandait un truc que c'est pas forcément c'est pas frappé, il revient c'est pas obligatoire que tu lui donnes. Non, je parle de celui qui demande au nom d'Allah. Ma hukmu Intercel Billah. Makro. Makro. Qui a une forme de d'insistance pour les gens. Tu les contrains à te donner ce que tu veux toi. Tu les mets dans la gêne, dans l'embarras. Mais si c'est un haq, il faut donner. Si jamais quelqu'un te demande Billah, tu ne donnes pas, ce n'est pas haram sur toi. Mais kazalik, c'est makrouh. Barda. Ne pas demander le Jannah. Ne pas demander le Jannah sauf pour quelque chose de radim. Enfin, c'était. Ah. Non, ne pas demander. Non, quoi, mais sans en fait, c'était le Jannah dans le titre. En fait, c'était embourbé là. Ne pas demander quoi. Liyusal al Jannah. Liyusal bi wajhillah. Illa al Jannah, mais en fait, on avait vu que c'était. Toutes les choses qui étaient hardim. Non, en fait. Le jugement en lui-même, il n'est pas sahabite. Car le hadith n'est pas sahabite. Et le tadila démontre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà demandé. Biwajillahi al-isti'aza min ash-shaytan ar-rajim. Et on demande cela que à Allah. Ce qui était précisé. La yus'al biwajillah ila Allah. La tas'al. المخلوقات بعد ذلك اللو ما جاء في اللو نعم استجني بقود اللو بس كوا كنا نجي بقود اللو كي تفصيل بس هي لو كيل كي كي كي فيزي دي نو بور اون شوز كي سي باسي تي فو كونتيستي القدر ايوا اذا في شيء من الاعتراض على القدر شوز كي تاريفي بار ان ايبروف او مالور او كو سولا تي فو تي كونتيست par l'eau. Genre, si j'avais été voir un autre médecin, mon fils ne serait pas mort. Nahwa dhalika. Ami zekana min bab al-irshad ila ma huwa afdal fa huwa yajuz. Ba'da hadha. Le fait d'en souffler le rih. Ma hukmu. Insulter le vent. Shirk. C'est Allah qui fait. Mais il y a un coup de coufran. Ça peut être une marcia. Et pourquoi on n'insulte pas le vent? Parce que c'est Allah qui. Allah qui a fait. Non. Et si jamais on craint du vent, il y a des doigts à faire. Thumma. يظنون بس يكون بس دي مال بار باسكالا اللي عارف يسوبر يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه le fait de d'avoir un mauvais soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Que les choses qui t'atteignent comme ibtilaa et zalika, tu t'en plains qu'il n'y a pas de hikma derrière, qu'il n'y a pas lieu d'être. Ça va pas dû être comme ça, ça va dû être comme ça. Ada, la cible le coufre, Ada. Fumma. Justement après c'était Al-Munkiri le Qadar. Ce qui renie le Qadar. Non, ce qui refuse le Qadar. Et ils disent que c'est quoi la cause? Que pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète qu'on fasse une chose et après nous punit pour celle-ci? Et on avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala des choses, on a le libre choix nous-mêmes dans ce qu'on fait, et qu'en fait il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah sans qu'il ne l'ait voulu, et ce n'est pas tout ce qu'il veut qu'il aime. Il y a l'irada al-kawniya wa shari'a wa al-mashi'a. Tout ça on va en parler inshallah dans le Tadmouriya et dans d'autres durous, on en a déjà parlé. Thumma. Non. Le fait de demander par le nom d'Allah. Le fait de prendre un engagement plutôt, je crois. Non, c'est pas là. Ah, non. Ma djaf al-musawwirin. Le taswir. Ça, c'est le kabir. C'est quoi le taswir qui est haram? Zawat al-arwah. Tout ce qui contient les, le fait de façonner des images d'êtres vivants. Qu'est-ce qu'il y a des âmes? Et si jamais tu as une image comme ça, qu'est-ce que tu fais avec? Tu lui coupes la tête. Bah non, tu lui coupes pas, tu l'effaces. Tu l'effaces si tu le peux. Et le minimum à faire, c'est de couper la tête. Complètement. Pas le visage, les yeux, le nez. La tête entière. Car le shirk, selon le Afar de Ibn Abbas, a débuté par le taswir. Thumma. Prendre l'engagement ou non? Là. Ça va venir, Inch'Allah. C'est quoi le début? Bab. Ma jaa. Fi. Kafrat. Halif. Naam. Le fait de beaucoup jurer. Car beaucoup jurer, ça amène à quoi? Déjà, tu te rends compte que tu as une baisse de tardim. Non, mais un autre fait tardim, il l'a. Aussi, tu as plus de chances de demander mentir. Les gens, et les gens, canalés, qui vont croire que tu es un menteur. Si tu jures tout le temps, ils vont plus penser que tu es un menteur. Non. Et il n'y a pas longtemps, j'ai précisé que Yamin Ramos, c'est plus que le fait de jurer en mentant, mais c'est le fait de jurer en mentant pour prendre le droit d'un musulman. Ziyada. Je ne me rappelle pas ça dans le Sahih Bukhari, mais là, ce qui est aussi Yamin al-Sabr. Yamin al-Sabr, c'est ça. C'est tu jures pour prendre le haq d'un musulman. Et l'autre jour, il a dit que Yamin al-Ramous, c'est la même chose apparemment. Donc Yamin al-Ramous, ce n'est pas que le fait de jurer en mentant, mais c'est le fait de jurer en mentant pour prendre le droit d'un musulman. Mawal Ashad, de jurer par Allah en mentant ou de jurer pour en tout cas Allah en étant véridique? Imada. Donc c'est l'échec Asra. Ou ça peut être Akbar aussi. Ouais. S'il fait un tarzim de celui pour qui il jure, c'est du shirk. Fama. Demandez un engagement de son messager. Ça, ça. C'est quoi le l'ishkel là-dedans? C'est que si tu remplis pas ton... Tu vas prendre un engagement en Allah, et si tu remplis pas ton engagement, c'est comme si tu disais un manque de respect pour Allah. Ce messager dernier, parce que toi, tu n'as pas respecté l'engagement que tu as pris au nom d'Allah. Non. Donc il est moins grave que tu ne respectes pas un engagement pris en ton nom que celui au nom d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Bada hada. بقي اثنان ثلاث وفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى كامل البحر الشيء في أربع باب أيوة ما جاء في في ماذا الإقسام الإقسام على الله فدجوري sur Allah que Allah doit faire telle et telle chose, ne fera pas telle et telle chose. On avait fait un torsil. Tu te rappelles le torsil? Oui. C'est lequel qui est haram? Je sais que ce qui est autorisé, tu vois, c'est de dire par exemple Allah il va pas t'abandonner parce que tu as fait quelque chose de... Ada husna dhon. Quand tu as une bonne pensée envers Allah, tu jures pour Allah qu'il ne fera pas telle et telle chose. Il va pas faire quelque chose parce que tu as un dalil qui... parce qu'il a dit qu'il allait pas le faire par exemple. Naam. Ou qu'il allait le faire. Par exemple, tu dis Wallah, si un des morts kafir et qu'il y a eu Kimat al-Hujja, tu dis Wallah, Allah la yakhfiru lahu abadan. Il ne pardonnera jamais. Là, tu peux le dire que c'est un kafir, il est mort. Quelqu'un, tu sais qu'il a eu Kimat al-Hujja, qu'il a eu le message, bien évidemment. Parce que tu en as, tu ne sais pas. Celui-là qui est Muharram, bah, c'est celui-là qui sort de ça. Je dirais qu'Allah il va faire quelque chose, alors tu ne sais pas. Voilà, tu ne sais pas. Non. Ensuite. Ouais, je m'en vais. Tu sais que les deux derniers, c'est... Bab, là, Yustachfar. Ah ouais. Qu'Allah, il demande pas... Il, le fait de ne pas demander, qu'Allah, il fasse intercesseur à cette créature. Ah ouais, demander à Allah d'intercéder pour nous auprès de la créature. Le fait que le Messie sallam, il a fermé les portes au shirk. Non. Roulou. وعلمنا كيف يعني نعالج ذلك bien que ce que les sahaba avaient dit à son encontre était réel mais par peur que yastajlihum shaytan ba'da dhalika il a fermé la porte ثم الاخر نعم de reconnaître l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala sa grandeur son immensité, sa puissance et surtout nous faire réaliser notre place par rapport à lui et que le monde dans lequel on vit sa taille par rapport à des faits qu'elle aura cité par rapport à ses sifat. D'où le fait de bien comprendre Allahu Akbar. Parmi ses sifat est le kibar. Qu'Allah il est grand et c'est lui le plus grand. C'est un hadith qui te le démontre. Qu'il n'y a rien de plus grand que lui. Non. Donc là, bifadlillahi ta'ala, on a fini ce livre, Kitab Tawhid. Ana sallallahu yubarik fi hadith dirasa. Wa an ya'fu anni fi ma akhta'tu fi. Wa li dhalika. Wa an nasiha pour qui peut qu'il tente de lire, comme les ulama le disent, qu'il lise dans ce livre tout le temps, au cours de l'année. C'est-à-dire, chaque jour, 5 bab. Mujarat kira'a, il lit. Il prend un bab, aujourd'hui, tiens, je vais lire 5 bab. Il se pose, il lit 5 bab. Et le jour d'après, 5 bab. Il tourne tout le temps comme ça, avec le livre. Car c'est un livre, il est... son contenu est primordial à connaître. Adahakullah. Et par la suite... كما اتفقنا عليه ان شاء الله التدموريه او تكريب التدموريه وسبحانك وبحمدك لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك